إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue la fin de l'explication de la septième règle à travers donc ce livre Al-Qawa'id al-Sa'diyah de l'imam Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimallahu ta'ala. Donc cette septième règle qui concernait At-Taklif. Donc on a vu principalement Al-Boulour ou Al-Aql. On a vu également At-Tamyiz. Et il nous reste à voir la fin de la règle où l'on va retrouver Ar-Rushd et ensuite Al-Mulk. Ar-Rushd ou Al-Mulk. Tout ceci qui sont des conditions. Donc bien faire la différence entre les conditions d'obligation et les conditions de validité. Et on a vu Al-Boulour ou Al-Aql. Et par rapport à la condition de validité, At-Tamyiz. Donc le Shir dit, Rahimallah, At-Taklif ou Al-Boulour ou Al-Aql, Shartun li wujub al-ibadat, wa At-Tamyiz ou Shartun li sihhatiha illa al-Hajj wa al-Umrah. Donc ça, c'est la dernière partie que l'on voit aujourd'hui. Donc le Shir, après nous avoir expliqué ce qu'était At-Taklif, et on a vu qu'il nous avait donné la définition du taklif par la mention des deux conditions d'obligation ici, shart wujubin ou shurut wujubin. Il va nous parler pour ce qui est du domaine de at-tasarruf. Et at-tasarruf, qui est, comme va nous le dire le shir dans le livre, qui est en relation avec Al-Mal, c'est-à-dire le bien. C'est pour ça qu'il dit le shir At-Tasarrufat Al-Maliya. At-Tasarrufat Al-Maliya. Donc on voit ici qu'il veut dire par le terme At-Tasarruf, qui est le masdar du verbe Tasarrafa, Yat-Tasarraf, Tasarrufan, c'est ici restreint au bien. At-Tasarruf Fil-Mal. C'est pour ça que dans son explication, il dit le shir Wa amma At-Tasarrufat Al-Maliya. Al-Maliya. Donc qui touche au bien. At-tasarruf, que l'on peut traduire par les transactions, qui est donc le fait de vendre et d'acheter, et donc de faire des transactions de façon générale avec ses biens. Ici le shir il dit les sihhati at-tasarruf. Donc on est bien ici dans une condition de validité, ce qui va être cité. Il nous dit donc at-taklif ou ar-rushd. Donc on voit ici que at-taklif, qui a été précédemment vu, qui est représenté par Al-Boulour ou Al-Aql. Ici, ça devient des shurut, les sihha, pour la validité. Pour la validité. On n'est plus dans le domaine de l'obligation, comme c'était le cas au départ dans le domaine de l'adoration. Lorsqu'il a dit At-Taklif ou Al-Boulour ou Al-Aql, Shartun li-Wujub. Shartun li-Wujub al-Ibadat. Ici, on est bien dans. Il nous a dit les sihha, ce terme sihha qui veut dire tout simplement la validité. C'est-à-dire que c'est validé, c'est accepté en religion. Le contraire, ça veut dire que c'est rejeté. Mardoud, ghayru sahih. Mardoud, c'est-à-dire donc rejeté, qui ne va pas être accepté. Donc ici, pour que ça soit accepté, que toute transaction soit acceptée de la part de la personne, de l'être humain, il faut qu'il ait en plus du at-taklif, qui est le boulour ou l'aql, il nous faut en plus de ça ar-rushd. Ar-rushd. Birra wa shin wa dal. Ar-rushd. Et ar-rushd, il va nous en donner la définition, le shir. Même si Jumhur al-Ulama, il nous rappelle que ar-rushd wa as-salah fil mal. C'est-à-dire avoir, détenir la droiture dans le bien. Entre parenthèses, bien sûr, dans ce qui est des transactions. Du commerce, etc. Donc c'est pour ça qu'il dit le shir ar-rushd wa ihsan wa hifdh al-mal وصيانته ومعرفة التصرف. Ça, c'est la définition que nous donne le Cheikh. C'est-à-dire donc, إحسان وحفظ المال وصيانته. C'est avoir la maîtrise, maîtriser la préservation des biens et l'entretien des biens. Savoir les préserver, ces biens. Savoir les entretenir. Avoir la maîtrise de cela. C'est ça, rushd. Et également, savoir gérer ces biens. Savoir les gérer. Ma'rifat tatasarruf. C'est-à-dire savoir les gérer, comment faire les transactions, comment faire le commerce, connaître où est le maslaha ou le mafsada, connaître où est l'intérêt, où est le préjudice. Donc tout ceci, ça demande, en plus du taklif, ar-rushd. C'est-à-dire donc, si on a un enfant qui a atteint la maturité et qui a sa raison, mais qui n'a pas encore, donc ici, cette troisième condition, qui est ar-rushd. Car fi at-taklif, on va retrouver deux conditions. Et après ar-rushd, on va retrouver cette troisième condition. Cette troisième condition n'est pas présente, c'est-à-dire qu'il n'est pas rachid, qu'il n'a pas encore la droiture dans cela, qu'il n'a pas la capacité, qu'il ne maîtrise pas la préservation, l'entretien de ses biens, qu'il ne sait pas encore gérer ses biens. Alors, s'il fait une transaction commerciale, alors elle ne sera pas acceptée. Parce qu'ici, on est bien fi as-siha. On est bien dans la validité. Donc ça ne sera pas accepté, ça sera rejeté. Donc s'il passe un contrat ou autre, ce contrat sera rejeté. Du fait qu'il n'a pas acquéri cette troisième condition, qui est donc ici ar-rushd. La preuve, c'est ce que va nous rappeler le Shir dans son livre, en citant un verset du Coran. Où Allah Azza wa Jal yaqul وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذا في سورة النساء وهو الفرسي 6. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. Ça, c'est la preuve de ce que vient d'avancer le Cheikh. Il nous dit فَشَرَطَ اللَّهُ شَرْتَيْنِ. Il a ici, Allah subhanahu wa ta'ala, cité deux conditions. لِدَفْعَ الْأَمْوَالِ لِدَفْعِ أَمْوَالِهِمْ. Pour qu'on leur donne donc les biens. Ici, bien entendu, ce verset concerne الْيَتَامَ, qui sont les orphelins. Et que lorsqu'ils atteignent la puberté, إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحِ, donc on voit ici Al-Boulour, et qui est donc ici, là, bien entendu, la première condition, qui est donc Al-Boulour, et nous dit le Shir, Al-Boulour. Et la deuxième condition, qui est donc ici Ar-Rushd, que l'on va retrouver dans cette parole d'Allah Azzawajal, فَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا. Donc on voit le terme Rushd qui est employé par le Coran. فَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. Donc, si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Donc le début du verset est éprouver la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Donc ici, la puberté, al-boulour. Car on voit bien que le terme qui est employé dans le Coran, idha balaru, qui est le verbe donc balara, et d'où est pris le terme donc al-boulour. وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. Donc si cette condition elle est remplie, ou si ces deux conditions elles sont remplies, et donc la deuxième condition qui est ar-rushd, alors le résultat fadfa'u ilayhim amwalahum, c'est-à-dire donc remettez-leur leurs biens. C'est qu'à partir de ce moment ils ont la capacité et ils ont la maîtrise de pouvoir opérer des transactions commerciales, faire du commerce, etc. Car à ce moment-là, ils ont la capacité et ils ont l'aptitude à reconnaître où est el-maslaha et où est el-mafsada. El-maslaha donc pour qu'ils puissent placer leur argent, ou el-mafsada pour qu'ils la retirent ou annulent la transaction, etc. Donc on voit ici que dans ce verset également, il y a bien l'idée de test. Fa mujarrib, c'est-à-dire qu'on va tester l'enfant en lui donnant de l'argent, et on va voir ce qu'il est capable de faire avec cet argent. Si à ce moment-là on voit qu'il a donc la capacité et qu'il est apte à toute transaction commerciale, alors à ce moment-là, on lui remet tout son argent, tout ce qui lui revient de droit. Ce que donc le tuteur de cet orphelin avait conservé pour lui, son propre argent à cet orphelin. Donc ça, c'est une condition. La condition, donc, c'est Ar-Rushd, qui est la condition qui vient en plus de Al-Bulour. Bien entendu, Al-Aql, c'est évident, car le shir, il a dit Al-Taklif, et bien entendu, si la personne ou si l'enfant était fou, bien entendu, ici, c'est plus qu'évident qu'on ne lui remettrait pas son argent, car il n'aurait pas la raison. Donc on est bien ici dans le Taklif, et le Taklif, c'est bien Al-Bulour ou Al-Aql. Même si dans le verset, il est cité Al-Bulour et Ar-Rushd uniquement, mais il est sous-entendu Al-Aql, car c'est une chose qui est plus qu'évidente, en revenant à tous les autres textes législatifs. Ici, le shir est atlaqa, c'est-à-dire qu'il l'a dit de façon absolue. Mais il faut savoir que des savants, ils ont dit que lorsque fi at-tasarruf, il y a la présence d'un bien qui est pur, naf'un mahd, c'est-à-dire un bien qui va être pur, où il n'y a aucunement la présence de préjudice, un intérêt à 100%, ou un naf'un mahd. Est-ce qu'il l'accepte ou pas l'enfant, même s'il n'a pas encore atteint Al-Bulour, ou est-ce qu'il n'a pas encore atteint Ar-Rushd? Ici, beaucoup de savants, ils disent qu'ils l'acceptent. À titre d'exemple, Hadiya, si par exemple, on lui donne un cadeau, ou alors si on lui donne une sadaqa, une aumône, ou alors si on lui fait, on relègue un bien, wasiya, ou alors on fait pour son bien à lui, un waqf. On reviendra sur le terme waqf. Ici, vu que c'est un bien qui est pur, on l'accepte. Donc on voit ici que ça rend bien fi at-tasarruf, mais lorsqu'il y a an-naf al-mahd, donc l'intérêt pur, à ce moment-là, on ne regarde pas ces conditions-là. On ne regarde pas donc ces conditions-là. Et si l'enfant l'accepte, alors il est accepté. Il est donc accepté. Donc ça, c'est une parenthèse que l'on fait, car c'est vrai que si on regarde la parole du shir et l'expression du shir, on ressent ici al-itlaq, c'est-à-dire cette condition de manière absolue dans tout ce qui touche à tasarruf. Et on voit donc dans ce qu'on vient de citer à tasarruf, alladhi fi naf'un mahd, où il y a un intérêt pur, alors on accepte. Sinon, ça voudrait dire que si l'enfant, on lui donnerait un bien, un cadeau, etc., et s'il l'accepterait, alors ça serait refusé, c'est-à-dire que ça ne serait pas valide l'acceptation de ce cadeau, etc. Donc ici, c'est une parenthèse que l'on fait par rapport à ce qu'a dit le shir de manière ici absolue, mutlaqan. Ensuite, et ça c'est la dernière partie de la règle, de la septième règle, le shir nous cite, وَلِصِحَّةِ التَّبَرُّعِ التَّكْلِيفُ وَالرُّشْدُ وَالْمُلْكِ. Donc maintenant on est dans ce qu'on appelle التَّبَرُّع. التَّبَرُّع qui vient du verbe تَبَرَّعَ, يَتَبَرَّعَ تَبَرُّعَن. Il va nous en donner la définition, le shir, et il nous dit وَأَمَّا التَّبَرُّعَاتِ فَهِيَ بَذْلُ الْأَمْوَالِ بِغَيْرِ عِوَضٍ مِنْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ نَحْوِهَا فَلَبُدَّ مِنَ الْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَكُونَ الْمُتَبَرِّعِ مَالِكًا لِلْمَلِ. La définition qu'il nous a donnée de ce qu'on appelle التَبَرُّع, il nous a dit بَذْلُ الْأَمْوَالِ بِغَيْرِ عِوَضٍ مِنْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ نَحْوِهَا. C'est donc dépenser un bien sans rien en retour, sans compensation. Donc c'est dépenser un bien sans rien en retour, sans compensation. بِغَيْرِ عِوَضٍ. Donc الْعِوَض, c'est le fait d'avoir une compensation. Donc ici, il n'y a pas de compensation. On donne un bien sans rien attendre en retour. Ça rentre dans التَبَرُّع. مِنْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ عَتْقٍ. Que ce soit donc un présent, que ce soit une aumône que l'on donne, un waqf. Waqf, ce terme, on nous a déjà posé la question, sachant que j'avais déjà donné la définition, il me semble, dans un des cours. À la kulli hal, on redit ce qu'est al-waqf. Al-waqf, ce qu'on traduit donc par le leg pieux, ou les legs pieux, c'est haps al-asl wa tasbil al-thamara ou al-manfa'a. Haps al-asl, c'est-à-dire donc bloquer, retenir ce dont on va tirer profit. Par exemple, le waqf d'une maison, ou alors d'un appartement, ou alors d'un immeuble. L'immeuble en lui-même, c'est ce qu'on appelle al-asl, tayyib. Mais cet immeuble-là, lorsqu'on va le louer, on va en tirer donc un bien. Donc la location va porter un fruit, tayyib. Et ce fruit-là, qu'on va en tirer de ce asl, on va le donner fisabilillah, c'est-à-dire on va le donner en bien. Donc, si on donne à cet enfant, ou parfois si on donne à une personne, ou alors à une association, ou alors à des orphelins, etc., on leur donne donc le bien de ce waqf. C'est ce qu'on appelle donc le waqf. Donc je dis habs al-asl tasbil al-thamara. Habs, donc retenir, bloquer. Donc al-asl, comme on a vu à titre d'exemple, une maison ou alors un immeuble. Et tasbil al-thamara, ce qu'on va tirer du fruit de ce asl, en l'occurrence ici la maison, par exemple la location, le bien qu'on va tirer de la location, cet argent-là, on va donc la donner à ce moment-là, fisabilillah. Taïb, c'est ça le waqf. C'est la définition du waqf. Habsul asl, tasbil al-thamara, ou al-manfa'a. Wala itq. Il nous a dit le shir, ou itq, affranchissement, etc. Si bien entendu, il est en possession d'un esclave, qu'il a eu en héritage ou autre, alors, à ce moment-là, il l'affranchit. Et donc, tout ce qui va rentrer dans At-tabarru'at, il faut donc ici une troisième condition, c'est al-mulk. Donc on a vu at-taklif, donc at-taklif ou liya al-aql ou al-bulur, ensuite al-rujt, donc ce qu'on vient de voir auparavant, et en plus de cela, donc c'est ce qui est zaïd ici, c'est ce qui est en supplément comme condition, al-mulk. Al-mulk qui est donc la propriété, être propriétaire de ce bien. Ça également c'est la condition. C'est-à-dire que s'il n'est pas propriétaire de ce bien et qu'il fait un tabarru' avec ce bien, alors il n'est pas accepté. Si par exemple il prend l'argent, il va nous donner un exemple, cher. لأن الوكيل والوصي والناظر للأوقاف والولي على اليتامى والمجانين لا يصح تبرعه بما هو ولي عليه وهو لغيره. C'est-à-dire que celui par exemple qui est tuteur d'un orphelin, ou alors qui est le tuteur d'une personne qui est folle, et que bien entendu que eux ils ont des biens, que ce soit le fou ou alors que ce soit l'enfant, l'orphelin, il a un bien. Celui qui est tuteur et qui a donc la responsabilité des biens, qui doit préserver les biens, ses biens, il n'a pas le droit de faire donc une aumône, il n'a pas le droit de donner un waqf ou alors d'affranchir, etc. Car lui, il n'est pas al-malik, il n'est pas le propriétaire. Tayyib. Donc, cette condition, elle est essentielle pour ce qui touche at-tabarru'at. Il faut donc que la personne, elle soit propriétaire. Il faut qu'elle soit propriétaire. Si elle n'est pas propriétaire, elle n'a aucun droit à donner quelque chose qui rentre dans at-tabarru'at, comme l'aumône, comme faire une wasiya, comme écrire un testament et reléguer donc un bien à une personne, etc. Donc tout ça c'est interdit. Donc si la personne elle ne remplit pas toutes ces conditions, alors elle ne peut donner. Et il va de même pour ce qui est de l'enfant, donc sabi, celui qui n'a pas encore roucht, celui qui n'a pas encore roucht, c'est-à-dire celui qui n'a pas encore la capacité et la droiture dans les transactions, on n'accepte pas de lui donc qu'il donne en cadeau. Où on n'accepte pas de lui qu'il fasse un waqf ou alors qu'il donne en testament ou alors qu'il affranchit, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une des conditions qui est ici à rujt. Ou alors celui qui n'est pas baligh, celui qui n'a pas encore atteint la puberté, également lui on n'accepte pas. Bien entendu, si on fait la différence entre le fait de prendre un bien, donc ce qu'on a dit qui était donc du al-naf al-mahd, et du fait de donner un bien qui rentre ici dans fi at-tabarru'at. Donc il y a la différence à faire pour pas tout mélanger. La preuve de ce que le shir il nous a cité, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas un tabarru', ce qui rentre dans un tabarru' de celui qui n'a pas rempli ses conditions, et en plus ici donc la condition qui est zaïd à tout ce qu'on a vu auparavant et qui est donc al-mulk, il va nous citer ce verset qui fait surat al-An'am et qui est le verset 152 où Allah Azza wa Jalla yaqul wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan ay ahsanu li amwalihim wa aswanu laha wa anfa'u laha wallahu a'lam. Donc n'approchez pas les biens de l'orphelin que de la plus belle manière, et ne vous approchez pas des biens de l'orphelin que de la plus belle manière. Donc ahsanu li amwalihim, pour ses, son argent, et pour ce qui est le mieux pour lui dans la préservation de ses biens et de ce qui est le plus utile pour lui. Ça, c'est la preuve que nous cite le shir pour cette dernière partie de la règle numéro 7 que l'on a donc fini. Sans plus tarder, on rentre dans la huitième règle, et qui est une règle très très importante, subhanallah, très importante, très très importante. Il nous cite le shaykh, rahimahullah, al-qa'idatu thamina, al-ahkamu al-usuliyya, wal-furu'iyya, la tatimmu illa bi-amrayn, wujudi shurut, wa intifa'i al-mawani'a. الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين وجود الشروط وانتفاء الموانع. هذه قاعدة عظيمة. Ça, c'est une grande règle, très grande règle. C'est une règle qu'on a vu où ça? Une règle dont on a parlé, c'est-à-dire qu'on a appliqué dans des cours qu'on a fait. Qui c'est qui s'en rappelle? Dans quel cours? Lorsqu'on a parlé des règles du takfir. Lorsqu'on a parlé du règle du takfir. Et si seulement les gens qui sont rentrés dans le takfir, ils avaient réellement compris cette règle, ils l'avaient appliquée, alors certainement ils ne se seraient pas égarés fibab takfir dans ce qui est de la question du takfir. S'ils auraient vraiment compris cette règle-là, s'ils l'avaient appliquée comme elle se doit, alors certainement qu'ils ne se seraient pas égarés dans ce qu'on appelle le takfir. Et également les différentes sectes comme Al-Khawarij, Al-Mu'tazila, Al-Murji'a et d'autres encore, eux aussi, s'ils avaient appliqué cette règle, ils l'avaient compris, mis en pratique, ils ne seraient pas égarés. A'yadun billah. Al-Ahkam al-Usuliyya wal-Furu'iyya. Donc Al-Ahkam qui est le pluriel de Hukm, qu'on ne traduit plus, tellement qu'on l'a répété. Al-usuliyya, donc bien entendu ici c'est en tant qu'adjectif rattaché à l'ahkam, donc à l'ahkam lorsque c'est pluriel, bien entendu ça, l'adjectif qui va suivre, il va être donc au féminin. C'est pour ça donc qu'on dit al-usuliyyatu wal-furu'iyya. Al-usuliyya en rapport avec al-usul, en rapport avec al-usul. El-Usul qui est le pluriel de Asl. Asl, un terme qu'on n'a même plus à traduire. Wal-Furu'iyya, Al-Furu'iyya qui vient du terme Al-Furu' et qui est le pluriel de Far'a. Far, également un terme qu'on a vu maintes fois et qui veut dire donc la branche, qui vient donc en opposition à Al-Asl. Al-Asl qui est l'origine, qui est la base, et donc Al-Far' qui est la branche, qui est donc la branche. Donc ici on va s'apercevoir qu'il y a deux sortes de lois. Il y a celles qui sont dites de base, fondamentales, et celles qui sont dites donc secondaires, ou alors qui touchent les branches. Ici une question qui pourrait se poser, c'est qu'on va voir que dans les paroles de grands savants d'islam comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, yunkirun hadha at-taqsim, c'est-à-dire donc qu'il renie ces catégories. Le fait de dire qu'il y a des règles qui touchent aux bases et des règles qui touchent aux branches. Et ça donc, ça peut être un ishkal pour beaucoup de gens. Lorsqu'ils vont lire par exemple des paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, type d'exemple. Mais il faut savoir, et pour bien comprendre le contexte où le Cheikh ankara hadha at-taqsim, c'est-à-dire donc qu'il a renié cette subdivision, c'est lorsqu'il a parlé de al-Mu'tazila. et ce dont eux ils ont voulu par ce taqsim, lorsqu'ils ont dit qu'il y avait des règles ou des lois qui sont dites ou qui touchent les bases et d'autres qui touchent les branches. Il a voulu par ce reniement, il a voulu un rad, réfuter ce qu'avait établi Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il y a deux types, donc de règles ou de lois, une qui touche aux bases, une qui touche aux branches. Ce qui touche aux bases, celui qui renie une de ces lois-là, il devient kafir. Et tout ce qui touche aux branches, celui qui le renie ne devient pas kafir, ne sort pas de l'islam. Ça, c'est un taqsim et un tafriq que eux, ils ont fait, Al-Mu'tazila. Et c'est dans ce sens que Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, dans ses livres, il fait un rat. Il réfute ce taqsim lorsqu'il est compris de cette manière-là. Mais ce n'est pas une réfutation de cette subdivision de manière générale, ou on va dire absolue. Elle est bien, bel et bien existante. Et tous les savants l'ont prise en compte. Mais ce qu'ont voulu à partir de là, Al-Mu'tazila, c'est faux. Aradou Batilan. Ils ont voulu donc ce qui était faux, qui était contraire à la religion. On va donner un peu plus de détails pour qu'on comprenne. Ils ont dit que ce qui faisait partie de Al-Usul, c'était Al-Ashya Al-Ilmiya. Tout ce qui touchait donc ce qui était théorique, ou plutôt scientifique. Car le terme théorique, c'est pas un terme qui est vraiment adapté à 100% lorsqu'on parle de Al-Umur Al-Ilmiya. Car on sait que une théorie, lorsqu'on parle du terme, ou qu'on traduit par théorie souvent, parce qu'on dit théorie et à son opposé pratique. Mais il faut savoir que théorie, ce terme, surtout dans la langue française, il veut dire des moments, une théorie, quelque chose qui va t'avancer et qui ensuite, par la pratique, qui va être concrétisé par la pratique ou qui va être rendu véridique par la pratique, que l'on va donc attester ensuite par la pratique. Bien entendu, si lorsqu'on dit théorie, c'est pas du tout dans ce sens-là. C'est-à-dire tout simplement en opposition avec ce qui est pratique. Donc on pourrait traduire donc scientifique. Donc eux ils disent il y a l'usul fil ashiya al-ilmiya, donc ce qui touche la science, tout ce qui est scientifique. Donc théorique, comme on l'a expliqué. Wal furu' al-ashiya al-ilmiya. Et donc les branches, ce qui touche la pratique, comme par exemple la prière, comme par exemple az-zaka. Et lorsqu'ils ont dit pour ce qui était de al-usul que ça rentre, il rentrait dedans tout ce qui était scientifique, théorique. Ils veulent par là donc al-irtiqadiyya, al-ilmiyya al-irtiqadiyya, ce qui touche donc al-irtiqad, ce qui touche donc la croyance, qui touche donc les règles du tawhid, les règles ou la croyance, les lois du tawhid, la croyance que l'on doit avoir au nom d'Allah et aux attributs, etc. Eux, c'est ce qu'ils ont voulu par ce taqsim. Et donc ils ont dit, ceux qui vont renier tout ce qui touche de la théorie ou de la science, donc, comme on l'a compris, de la croyance, la personne elle devient, s'il le renie, elle devient donc kafir. Et tout ce qui touche la pratique, donc lorsqu'ils ont voulu parler al-furu', ils ont voulu la pratique comme les prières, il ne devient pas kafir. Et on va voir que c'est batil. Hadha taqsim batil. Pourquoi? Parce que tout simplement, celui qui va renier une chose qu'eux ils ont fait rentrer fil furu', comme le fait de renier la prière, renier qu'elle est obligatoire, renier également la zakat, etc. Celui qui va renier cela, donc il sort de l'islam, alors qu'on est bien fil furu'. Donc on voit déjà que leurs règles, à partir de là, elles ne correspondent pas du tout à ce que l'on a réellement dans la religion, de ce qui se trouve réellement dans la religion. Et on va voir fil umur al-ilmiya qu'il se peut qu'il y ait certains points qui rentrent, eux, en réalité, dans Al-Furu'a, et qui sont bien dans le domaine de la théorie, c'est-à-dire en dehors de la pratique. En dehors de la pratique. Et où celui, ou la personne donc qui va renier, n'est pas considéré comme kafir. N'est pas considéré comme un kafir. Contrairement à eux, ce qu'ils ont dit, ils ont dit automatiquement celui qui va renier un de ces points, ça va être un kafir. On va donner un exemple pour que ce soit beaucoup plus clair. Si on prend la question de Ru'yatun Nabi sallallahu alayhi wa sallam li Rabbihi laylat al-Isra wal Mi'raj, lorsque Allah azza wa jalla il a vu son Seigneur lors donc la nuit de Al-Isra ou Al-Mi'raj. Est-ce que ça rentre fi bab al-ilm ou fi bab al-amal? Donc al-ilmiya ou al-amaliya? Bien entendu, ça c'est fi al-ilmiya. C'est bien entendu fi al-ilmiya. À partir de là, on va dire que certains sahaba, ils ont divergé par rapport à cette question. Est-ce que le prophète, il a vu Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il est monté aux cieux, au septième cieux, donc durant l'Isra ou le Mi'raj, ou est-ce qu'il n'a pas vu son Seigneur? On va voir donc ici qu'il y a une divergence. Certains, ils ont dit qu'il avait vu son Seigneur, et d'autres, ils ont dit qu'ils n'avaient pas vu son Seigneur. Et ici, en réalité, on est bien dans ce qui va rentrer fil furu'a, c'est-à-dire fil fara. Pourquoi cela? Car cette question-là, masalat al-ru'ya, elle va se traduire par ce qui est asl et ce qui est fara, qui revient à la base et ce qui revient au fara, c'est-à-dire donc ici la branche. Al-asl wa ithbat ru'yat al-mu'min li rabbihi. Al-asl donc ici, c'est que on atteste que le croyant, et donc bien entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi eux, il verra ou il a vu son Seigneur. C'est-à-dire que la nanfi al-ru'ya, c'est-à-dire qu'on va jamais renier la vision d'Allah Azza wa Jal. Et là, on voit qu'il y a eu l'irtilaf avec les gens de al-bid'a. Les gens de l'innovation, eux, ils ont renié cela. Les gens de l'innovation, eux, ils ont renié cela. Ils ont renié donc ce asl. Donc on est bien ici, fil asl. Par contre, pour ce qui rentre de al-far'a, ce qui rentre donc dans les branches, c'est adad al-ru'ya. C'est-à-dire combien de fois on va voir notre Seigneur et à quel moment on va voir notre Seigneur. Il faut savoir que les savants, ils ont divergé par rapport à ça. Certains ont dit donc qu'on le verra deux fois avant de rentrer au paradis, au Melkiyama, et ensuite dans le paradis. D'autres qui ont divergé par rapport à Al-Mautin, c'est-à-dire à quel moment ou à quel endroit exactement. Et dans cette question-là, il revient également à ce que on voit notre Seigneur dans cette vie d'ici-bas. C'est-à-dire ce que le prophète sallam, il a vu Allah Azza wa Jal dans la vie d'ici-bas lorsqu'il est, il est monté au septième ciel, l'Isra ou al-Mi'raj. Donc on voit bien, sous cet aspect-là, ça rentre fil fara. Ma'a annahu masalatun ilmi. C'est-à-dire, ça rentre pas fil amal, ça rentre pas donc dans l'acte en lui-même. Mais ça rentre donc dans ce qui est scientifique, ilmi. Donc à partir de là, on va s'apercevoir la distinction qu'ils ont fait entre ces deux règles et la façon d'où ils les ont définies. C'est une chose qui est fausse. Et c'est à partir de là que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah radda alayhim, qu'il a donc réfuté ce qu'il a dit. Donc on voit que cette question-là, pour revenir pour la question de Ru'ya, c'est une question qui est importante. On va voir que certains gens, parmi Ahl al-Bida' ou al-Hawa, ils vont se servir de certains points comme cela, pour dire quoi? Pour dire cette parole qui est complètement batil, qui est complètement fausse, et ils vont dire que as-sahaba, ils ont divergé dans la croyance. Ça, ils s'en servent. Ils se servent de certaines questions comme celle-là. Et on voit que cette question de Ru'ya, sous l'aspect, comme on a dit, qui rentre fil far, il y en a beaucoup d'autres comme celle-là. Et on l'a vu à travers, lorsqu'on a étudié les repères de la Sunna, lorsqu'on a vu le nombre de fois qu'on va souffler dans la trompe, lorsqu'on a vu qu'il y a donc des divergences par rapport à cela. Et ça rentre, bien entendu, fil al-furu'a. Ça rentre ici, dans al-furu'a. Donc on ne peut dire à aucun moment qu'il y a eu un irtilaf et l'aqidah, c'est-à-dire qu'il y a eu une divergence dans la croyance. Qu'il y a eu une divergence dans la croyance, car il n'y a aucune divergence dans la croyance, c'est les sahaba et ceux qui les ont suivis, salaf. Donc on voit ici à bien faire la distinction entre ces points qui rentrent fil al-furu' et ces points donc qui rentrent fil usul. Et à partir de là donc, on voit également en même temps on arudd alayhim, c'est-à-dire qu'on réfute ce qu'ont avancé les gens d'innovation, et plus précisément Al-Mu'tazila, plus précisément ici Al-Mu'tazila, lorsqu'ils ont défini, et lorsqu'ils ont donné la définition donc de ces deux catégories. Lorsqu'ils ont dit Al-Ahkam, Al-Usuliya ou Al-Furu'ya. Al-Ahkam tanqasim ila Usul ou tanqasim ila Furu'a. Donc c'est à partir de là qu'on comprend Rad Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah sur ces gens-là. Et à partir de ce point-là. Et donc ça n'a rien à voir avec le fait que les savants tous ont été d'accord pour diviser les règles en usul wa furu'a. Et lorsqu'on a dit que c'est une règle qui était très importante et que cela touchait également le takfir, on va voir donc à travers ce que va nous expliquer le shir. Pour revenir à la règle elle-même et pour en donner l'explication globale, الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين وجود الشروط وانتفاء الموانع. C'est-à-dire que toutes ces règles-là qui rentrent dans الأصول والفروع, elles vont être et elles ne seront acceptées qu'en présence de deux points essentiels. Qu'en présence de deux points essentiels. Le premier, وجود الشروط. Le deuxième, intifa'ul mawani'a. Des termes qu'on avait déjà expliqués pour ceux qui ont suivi avec nous les cours sur les règles du takfir. Ash-shurut, c'est le pluriel de shart. Tout le monde sait ce que c'est. Wal mawani'a, c'est le pluriel de mani'a. Mani'a, c'est ce qui empêche. Qui vient donc du terme mana'a, yamna', man'an. Donc ici, al mani'a, son pluriel donc al mawani'a, c'est ce qui va empêcher. Donc il nous faut ici deux points. Le premier point, c'est la présence des conditions. La présence des conditions. Wujud al-shurut. Et la deuxième, intifa al-mawani', c'est donc l'absence de tout ce qui va empêcher l'application de cette règle-là. Donc on voit bien que al-mani', alladhi yamna', c'est ce qui va empêcher. C'est ce qui va empêcher. Ce qui va entraver. Ce qui va barrer la possibilité d'application de la loi. C'est ce qu'on veut dire par le terme intifa al-mawani'. D'un côté, on a l'obligation de la présence des conditions, et d'un autre côté, il faut qu'il y ait à tout prix également l'absence de tout ce qui va empêcher l'application de la règle. Si ces deux choses elles sont réunies, alors à ce moment-là, la règle elle est appliquée. La loi elle est appliquée. Qu'elle rentre dans l'usul ou qu'elle rentre fil furu', qu'elle soit du domaine des bases ou qu'elle soit du domaine des branches. L'exemple qu'on va prendre ici, à partir de ce que nous dit le shir, rahimallah, il nous dit, فَمِنْ أَعْظَمْ فَوَائِدِهِ, ce qui est le plus important, donc dans la compréhension de cette règle, est-ce qu'on va en tirer le plus profit? كَثِيرٌ مِنَ النُّصُوصَ الْوَعْدْ بِالْجَنَّةِ وَتَحْرِيمَ النَّارْ عَلَىٰ أَعْمَالْ لَا تَكْفِي وَحْدَهَا بِمُجَرَّدِهَا وَكَثِيرٌ مِنَ النُّصُوصَ الْوَعِيدَ الَّتِي رَتَّبَ عَلَيْهَا دُخُولَ النَّارْ أَوْ تَحْرِيمَ دُخُولَ الْجَنَّةِ أَوْ حُرْمَانْ بَعْضِ أَجْنَاسِ نَعِيمِهَا فَلَبُدَّ فِي هَذِهِ النُّصُوصِ من اجتماع شروطها ومن انتفاء موانعها وبهذا يحصل الجواب عن كثير من الإرادات والإشكالات والإشكالات على النصوص الوعد والوعيد وهي كثيرة جدا. Donc le shir il va nous citer ici un domaine qui est très important de l'application de cette règle et qui est le wa'd wal wa'id. Le wa'd wal wa'id, bien entendu le wa'd c'est tout ce qui rentre donc dans la promesse qui va être faite aux croyants lorsqu'ils font des bonnes actions, la promesse du paradis et des délices du paradis. Et contrairement à cela, al-wa'id qui est lui le châtiment, la menace du châtiment al-wa'id, et qui est bien entendu les sanctions que vont encourir tous ceux qui vont faire des actes qui sont contraires à la religion. On est bien donc dans le wa'd ou al-wa'id. Et c'est là donc qu'on a vu que beaucoup de sectes se sont égarées, comme al-Khawarij, al-Mu'tazila, al-Murji'a, al-Jahmiya, beaucoup, ayyadan billah, fi hadha al-bab. Donc on voit l'importance de cette règle-là, car le Cheikh nous dit, c'est ce qu'on va, là où on va le plus profiter de l'application de cette règle, c'est dans ce domaine-là, le domaine du Wa'd ou al-Wa'id. À titre d'exemple, si une personne fait un acte et qu'il rentre fi ayat al-Wa'id, une personne qui va faire un acte et qui va rentrer de par cet acte sous donc la sanction encourue. Et qui est dukhul an-nar, le fait de rentrer dans le feu. Ici, il a rempli une condition qui va le faire entrer dans le feu, c'est l'accomplissement de cet acte-là, où il y avait donc un wa'id. Ça, c'est une condition. Tayyib. Mais, on a ici wujud al-shurut, elles sont présentes, les conditions. Mais l'interdiction, ou plutôt l'absence de tout ce qui va empêcher l'application de cette loi-là, c'est-à-dire le fait qu'il rentre dans le feu, cette condition n'est pas requise. Ou Arfwan, cette condition n'est pas présente. Au lieu de dire condition est présente, ça risque de vous donner des ambiguïtés, de vous mélanger. Donc on va reprendre avec un terme plus précis à la deuxième condition, ou plutôt à la deuxième partie, le deuxième point. Donc il y a ici wujud al-shurut, de par l'accomplissement de l'acte qui est rentré sous le wa'id, c'est-à-dire donc sous la sanction prononcée, la sanction encourue par un verset ou par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne a fait cet acte-là, elle est rentrée donc sous ce wa'id, de par l'accomplissement de cet acte-là, qui est le wa'id, à la fin donc, rentrée dans l'enfer, riyadan billah. Donc ici il y a wujud al-shurut, les conditions elles sont réunies. Simplement, la deuxième partie, qui est intifa al-mawani', donc l'absence de tout ce qui va empêcher l'application de la loi, on va voir qu'il n'y a pas d'absence ici et qu'il y a une présence. La présence qui est par al-istighfar, le demande de pardon, al-tawba, qui est par le repentir, également al-masa'ib. On a annoncé que al-masa'ib, c'est-à-dire les épreuves, ce sont des mukaffirat, ce qui expie donc les péchés. Parce que la personne, elle est éprouvée dans cette vie d'ici-bas, cette épreuve lui expie des péchés. Donc tout cela, ça rentre dans ce qui va empêcher l'application de la règle ici, ou de la loi, qui est le fait qu'il rentre dans le feu. Donc il se peut que il y ait eu la présence des conditions, ici qui se traduit plus précisément par l'accomplissement de l'acte qui est interdit et qui rentre sous al-wa'id, mais on va s'apercevoir qu'il n'y a pas l'absence de ce qui va l'empêcher. C'est-à-dire qu'on va trouver ce qui va empêcher l'application. Comme al-istighfar, comme al-tawba ou al-masa'ib, à titre d'exemple. C'est comme ça qu'on comprend donc la règle. Et c'est comme ça également qu'on l'applique ici, fi bab al-ward ou al-wa'id. De même, il se peut que la personne elle fasse un acte qui rentre tahta al-wa'd, la promesse du paradis. Donc, wujud al-shurut ici, la présence des conditions. Cette condition ici qui est l'accomplissement de l'acte qui rentre sous le wa'd, qui va le faire rentrer au paradis. Mais il faut également la deuxième partie, cette deuxième partie qui est requise pour l'application de la loi, qui est intifa al-mawani', qui est l'absence de tout empêchement. Et il se peut ici que la personne, en contrepartie, elle a fait des choses qui vont lui interdire le paradis. Qui vont lui interdire le paradis. De par sa croyance ou autre. Taïb. Donc on voit l'importance ici de l'application de cette règle. Et comme nous dit le shir, lorsqu'on la comprend, ça efface beaucoup d'ambiguïté et des questions qu'on pourrait se poser à ce sujet. Lorsqu'on lit dans le Coran ou dans la Sunna tout ce qui est en relation avec Al-Wa'id ou alors avec Al-Wa'd. Et c'est pour ça qu'ensuite il va dire فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ قَدْ رَتَّبَ الشَّارِعُ دُخُولَ الْجَنَّةِ عَلَى بَعْضِ الْأَقْوَالِ أَوْ بَعْضِ الْأَعْمَالِ فَهَلْ تَكْفِي وَحْدَا فِي ذَلِكَ. C'est-à-dire que le législateur, Allah subhanahu wa ta'ala, il a, à la suite de certaines paroles, c'est-à-dire lorsque la personne elle applique, qu'elle dit certaines paroles, ou alors qu'elle exécute certains certains actes, Allah subhanahu wa ta'ala, à la suite de l'accomplissement de ses actes, ou alors de la citation de ses paroles, rattaba alayha al-jannah. C'est-à-dire qu'il a donné en récompense de ces choses-là, al-jannah. Donc la question, est-ce que cela va suffire uniquement pour entrer dans le paradis? C'est-à-dire on a un nas, un texte en haine qui nous dit que celui qui fait cela, il rentre dans le paradis. Est-ce que ça suffit uniquement d'avoir fait cet acte-là, qui est présent dans le hadith ou dans le verset du Coran, pour entrer dans le paradis? Ça c'est la question. Il nous dit le shir fal jawab an hada, annahu yajibu alayna al-iman bi jami'i nusus al-kitab wa sunnah. فلا بد أن يقترن بهذا القول وبهذا العمل الذي رتب عليه دخول الجنة الإيمان والأعمال الآخر التي شرطها الشارع ولا بد مع ذلك أن ينتفي المانع من الردة ومبتلات الأعمال. Donc on voit bien ici que le cheikh nous dit qu'en réalité ça suffit pas d'avoir fait cet acte là où il y avait en récompense de rentrer dans le paradis, la rentrée au paradis, mais il dit il faut qu'il y a en plus de cela, l'iman, c'est-à-dire la foi, et donc la croyance authentique. Et également les autres actes qu'Allah Azza wa Jal a posé comme condition pour pouvoir entrer dans le paradis. Et également, il faut donc qu'il y ait l'absence de tout ce qui va interdire l'entrée, ou de tout ce qui va interdire l'application de la loi, ici qui est le fait de rentrer au paradis. Et il nous a dit à titre d'exemple, ridda. Il se peut donc que la personne, même si elle a fait cet acte-là qui le fait rentrer au paradis, elle est sortie de l'islam par autre chose, ar-ridda. Ou alors elle a fait des choses qui vont lui annuler son acte, mubtilat al-a'mal, comme par exemple ar-riya, etc. Donc on voit que tout ça, c'est important à comprendre, et que tout cela rentre sous cette règle-là. Et qu'on comprend ensuite tous les textes qui sont en relation avec al-wa'id ou al-wa'ad. De même, il nous dit le shir, « وَكَذَلِكْ إِذَا قَالَ الْقَائِلِ » وكذلك إذا قال القائل قد رتب الله في كتابه دخول النار والخلود فيها على قتل عمدا. C'est-à-dire que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a désigné celui qui va tuer donc un croyant, muta'ammidan, c'est-à-dire donc exprès, délibérément, bil khulud fi an-nar, qu'il se restera dans le feu éternellement. Donc si on a compris cette règle-là, on va comprendre et on va savoir comment interpréter ce verset du Coran. Il nous dit fal jawab an yuqal hadha min mujibat ad-dukhul wal khulud walakin lidhalika mani'a. C'est-à-dire c'est ce qui va impliquer l'entrée. Donc le fait d'avoir tué un croyant délibérément, c'est ce qui implique l'entrée et l'éternité dans le feu, ayadan billah. Walakin idhalika mania, c'est-à-dire qu'on est bien fait ici, wujud ash-shurut. Mais est-ce qu'il y a un mania ou pas? Est-ce qu'il y a une chose qui va empêcher cela ou pas? Il va nous dire, wal imanu, fa innahu tawatarat in nusus, wa ajma'a as-salaf anna man kana ma'ahu imanun, wa tawhidun, sahihun, la yakhlad fin-nar, ou la yukhlad fin-nar. Il nous dit donc qu'il y a eu tant de nusus, tant de textes qui nous apprennent que celui qui a dans son cœur l'iman, la foi, et qui possède le tawhid, c'est-à-dire l'unicité authentique, il ne restera jamais dans le feu éternellement. Donc ici on a vu qu'il y a un mania de l'application de ce texte-là, ou alors de cette loi-là, et qui donc la présence de iman ou de tawhid. Si maintenant la personne n'avait pas d'iman, elle n'a pas de tawhid, et qu'elle a tué donc un croyant délibérément, donc naam, il n'y a plus ici ce qui va l'empêcher. Par contre, si elle a ce iman, si elle a ce tawhid, alors à ce moment-là, il ne restera jamais éternellement dans le feu. Donc on voit ici najma', qu'on est bien donc en train de rassembler à travers cette règle-là nusus al-wa'd ou al-wa'id. Khalas, on terminera la semaine prochaine inshallah, ou vendredi prochain on terminera cette règle, parce qu'il y a encore quelques points à dire, j'aimerais encore détailler. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.